Bonjour mes frères et sœurs, et ce matin nous allons terminer ensemble le sujet de la conversion de Saul de Tarse. Et Luc donne un chapitre complet sur la conversion d'un homme. Ça nous montre à quel point cet homme va devenir important, va prendre beaucoup de place dans la suite de l'histoire. Donc, ce matin, nous allons regarder encore une fois comment Dieu a intervenu dans la vie de Saül, ou de Saul, excusez, et qu'il l'a appelé à devenir croyant, et qu'il va l'appeler aussi à devenir un outil pour lui afin de glorifier son nom. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous t'exaltons parce que tu es un Dieu de salut, un Dieu qui sauve pour se glorifier, un Dieu qui pardonne pour se glorifier, un Dieu qui se bâtit un peuple pour se glorifier. Tout a été fait par toi et pour toi. Et c'est pour cela que nous étudions les Écritures afin de bien comprendre qui tu es. Au nom de Jésus. Amen. Donc, nous allons, si vous voulez bien, lire la suite. Nous allons lire à partir du verset 23 du chapitre 9. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient et ne croyant pas qu'il soit un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem, et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères, l'ayant su, l'amenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Elle croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc, Saül a été sauvé sur le chemin de Damas pendant qu'il allait persécuter les croyants. Jésus lui apparaît. Ananias vient envoyé par le Seigneur Jésus afin de lui imposer les mains et qu'il puisse être baptisé du Saint-Esprit, qu'il puisse être sauvé, qu'il puisse être pardonné, et qu'il puisse œuvrer pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et dans cette Ananias lui a dit que Jésus avait dit qu'il souffrirait beaucoup pour lui. Et c'est un exemple qu'on a ici ce matin, que l'apôtre Paul va souffrir beaucoup de la part de ses contemporains. Donc, au verset 22, si on recule d'un verset, il dit, « Paul se fortifiait de plus en plus et confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. » Donc, Paul était à Damas et il confrontait, il argumentait, il débattait avec les Juifs de la synagogue probablement, et il démontrait par les Écritures que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu. Et ça les a mis en rogne, comme vous pouvez bien l'imaginer. Donc, au verset 23, au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Donc, qu'est-ce qui arrive? Les disciples se mettent avec lui, et ils prennent un panier, probablement assez gros, avec des câbles, et ils le descendent par la muraille afin qu'il puisse s'enfuir. Où est-ce qu'il va? Il s'enfuit vers Jérusalem. pour aller rejoindre les disciples qu'il y a là. Donc, Damas, Jérusalem, long voyage, plusieurs jours, peut-être quelques semaines même, avant d'être rendu à Jérusalem. Rendu là, il veut se joindre au groupe de croyants. Mais vous savez, il était au pied de Étienne quand il était lapidé. Il a demandé des lettres pour persécuter. Il a persécuté l'Église à Jérusalem. Il a persécuté l'Église dans la Judée. Il a persécuté l'Église en Israël. Et ensuite, ça, il a persécuté l'Église jusqu'à Damas, jusqu'en Syrie. Donc, personne ne faisait confiance. Les gens pensaient qu'il jouait un tour. C'était impossible dans leur cœur et dans leur tête que cet homme, si en colère contre la foi chrétienne, puisse se convertir. Barnabas l'approche et il parle avec lui. Et Paul lui raconte qu'est-ce qui s'est passé. Et Barnabas le croit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il l'emmène et il le présente aux apôtres. C'est très important ici. On peut faire un paquet de choses alentour de ces petits versets-là, mais le plus important, c'est que Paul va être présenté aux apôtres. Il va recevoir l'approbation des apôtres. Il va recevoir une accréditation. Il va être approuvé, accepté par les apôtres. Et comment est-ce qu'on peut savoir ça dans le texte? C'est qu'il se promène avec eux. Eux, ici, c'est les apôtres. Au verset 28. Et il s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur Jésus. Donc, il est accepté. Tant qu'on va le voir réapparaître au chapitre 12 et 13. Et 11, je pense aussi 11. On n'a pas besoin de se poser la question, est-ce que les apôtres l'acceptent? Ils l'acceptent. Les apôtres ont l'autorité, on se souvient, ils ont l'autorité dans l'Église. Même Paul va se soumettre aux apôtres. Du côté doctrinal, du côté spirituel, il va des fois être en désaccord avec leur fonctionnement, il va être en désaccord avec ce qu'ils vont dire des fois, mais il va se soumettre de façon générale aux apôtres. Encore une fois, il se met à proclamer l'Évangile, il le fait d'une façon ouverte, il débat encore une fois avec les hellénistes. Et encore une fois, on le cherche pour lui ôter la vie. En quelques versets, dans deux villes différentes, les gens cherchent Saul pour le tuer. Donc, qu'est-ce que les frères font? Ils vont le faire monter jusqu'à Césarée, en Samarie, et ils vont le laisser partir pour Tarse, en Cilicie. C'est là que on va le retrouver, au chapitre 11, je crois. Barnabas va aller le chercher, là, pour travailler dans l'église d'Antioche. Et on termine ces premiers 9 chapitres, ou cette première partie des Actes des Apôtres, au verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Vous serez mes témoins, à Jérusalem, en Judée, en Samarie. Et là, je crois que Luc ici ferme la porte. Je crois personnellement, à partir du verset 32, c'est une autre étape qui commence. Et on emmène Pierre à Joppé pour qu'il puisse aller chez Corneille. Mais ici, ça termine les premières années. Il s'est peut-être passé 10 ans, 12 ans, dans ces premiers 9 versets, 9 chapitres. Et l'Église, maintenant, est en paix. C'est comme si on disait, vu que Paul est converti, lui le grand persécuteur, L'Église est en paix. Dans tout le pays d'Israël, elle s'édifie et elle marche dans la crainte du Seigneur. Donc, l'Église se bâtit, l'Église se fortifie dans tout Israël. Et elle s'accroît par l'assistance du Saint-Esprit. Je crois que s'édifier, elle marchait dans la crainte et elle s'accroissait. Toutes les trois se font par l'assistance du Saint-Esprit. Jusqu'à date, mes frères et sœurs, ce que nous avons vu, c'est bien que le tout se fait par la puissance du Saint-Esprit. Jésus leur dit que cet esprit s'en vient. Le Saint-Esprit arrive à acte 2. Le Saint-Esprit les remplit continuellement, les contrôle, les guide, les utilise pour répandre l'Évangile. On voit que le Saint-Esprit est donné à ceux qui se convertissent. Le Saint-Esprit va guider les premiers chrétiens à se répandre jusqu'en Samarie et en Judée, et probablement jusqu'en Syrie, dans leur persécution, parce qu'on retrouve des chrétiens en Syrie quand Paul arrive. Et le Saint-Esprit maintenant va aller chercher l'apôtre Paul, il va le convaincre, il va l'amener à se repentir, à croire et à se tourner vers Dieu pour être un instrument de Dieu, pour aller atteindre les non-croyants. Il faut faire ça qu'on s'arrête quelques minutes encore. On peut faire des beaux programmes dans nos églises. On peut faire des belles réunions d'affaires. Et on peut faire toutes sortes de planifications. Et c'est correct. Mais frères et sœurs, il ne faut pas se fier là-dessus. Il faut se fier sur l'Esprit Saint. Il faut croire que l'Esprit Saint est à l'œuvre autour de nous, dans le monde. Il est à l'œuvre. Et il va aller chercher les élus en utilisant ses enfants, en utilisant le peuple de Dieu. Nous sommes ses instruments et c'est lui qui nous utilise. Le mot ici, pour le mot Esprit Saint, c'est le mot parakletos qui est là. C'est le mot qui, le Saint-Esprit assiste ou console ou encourage ou exhorte ou utilise l'Église pour emmener l'Église à annoncer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, à annoncer la bonne nouvelle du Christ et à glorifier Dieu et son Fils Jésus. C'est l'Esprit qui fait l'œuvre par l'Église. Il fait l'œuvre dans l'Église et par l'Église. Donc l'Église se construit, quand on dit qu'elle s'édifie, c'est qu'elle se construit. C'est le terme de bâtir. Mettre des briques, mettre des morceaux de bois pour bâtir un édifice. Donc, Dieu bâtit son peuple. Ce peuple-là marche dans la crainte du Seigneur. Ici, il faut faire attention, par la crainte du Seigneur, je crois qu'il veut dire, elle marche selon l'enseignement de Dieu. Elle marche selon l'enseignement de Dieu qui avait été donné par les apôtres. Elle suit l'enseignement des apôtres, qui avait reçu l'enseignement de Jésus, qui avait amené la parole de Dieu. Et elle s'accroît. Le mot, je crois qu'elle grandit en nombre. Et c'est tout l'Esprit Saint qui fait ça. C'est pour ça, frères et sœurs, que dans des multitudes de pays, de races, d'époques, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de façon de faire. Il y a juste un esprit qui utilise les croyants dans toutes sortes de méthodes, dans toutes sortes de programmes, dans toutes sortes de situations, dans toutes sortes de sociétés. Il faut apprendre à se fier à l'Esprit Saint, qui va nous conduire. Vous savez, dans l'Ancien Testament, comment est-ce qu'on peut savoir que Dieu est souverain aujourd'hui dans le monde? Comment est-ce qu'on peut savoir que Dieu règne dans un monde si corrompu dans lequel nous vivons? Un monde si perturbé? Comment est-ce qu'on peut savoir que Dieu règne dans des pays où il y a des dictateurs? Comment est-ce qu'on peut savoir, croire que Dieu règne malgré Hitler et Mussolini? C'est parce que quand nous allons voir dans l'Ancien Testament, nous voyons Dieu le faire. On voit Dieu utiliser des hommes, des peuples, des pays, des rois de toutes sortes d'envergures. Il utilise Babylone, il utilise la Syrie. Il utilise David, il utilise Salomon. Et il utilise des pays pour bâtir Israël. D'autres fois, il va utiliser d'autres pays pour détruire Israël. C'est lui qui contrôle tous les pays, qu'ils soient croyants ou non croyants, qu'ils soient juifs ou non juifs. Donc, à cause de ce qu'on voit là, sans voir aujourd'hui, nous croyons que Dieu le fait. De la même manière, quand on voit dans ces premiers 9 chapitres l'intervention du Saint-Esprit pour guider l'Église, pour remplir des hommes et des femmes d'Esprit Saint, et les utiliser pour parler dans toutes sortes de situations, pour les amener à être capables de confronter la mort, s'il le faut. L'Esprit Saint qui va régénérer, qui va transformer la vie d'hommes comme Paul. Même si aujourd'hui nous ne voyons pas, nous croyons. Nous croyons qu'il le fait. Nous croyons qu'il va susciter dans le cœur de ses enfants, d'aller faire ce qu'il veut faire. Donc l'Église est en train de se bâtir au Québec. Elle est en train de s'édifier. Elle marche dans la crainte de Dieu. Et elle s'accroît par l'assistance du Saint-Esprit. Je crois cela personnellement. Même si on dit selon nos statistiques qu'on était en croissance, décroissance, l'Église croit à la vitesse que l'Esprit-Saint veut la faire croître. Ça peut être 2000, ça peut être 3000, ça peut être un homme comme Saul sur le chemin de Damas. Ça peut être des petits groupes comme des gros groupes. L'Église croit à la vitesse que le Saint-Esprit veut bien qu'elle croisse. Nous ne pouvons pas lui commander et lui dire comment on veut qu'elle croit. Ça me fait toujours un peu rire de voir les gens dire à Dieu, sauve-en 5, sauve-en 5. Sauve-en 25. Pourquoi? Pourquoi mettre des chiffres? Pourquoi dire à Dieu combien en sauver? C'est lui qui décide et c'est lui qui guide. Comme il a fait dans les premiers 9 chapitres, la Jérusalem, la Judée, la Samarie et la Galilée. Et nous allons voir, à partir du verset 36, maintenant, il va aller dans toutes les nations du monde. Notre Père du ciel, merci, merci de nous avoir montré à quel point tu es souverain. Tu es souverain pour sauver, pour appeler, pour donner dons et talents. Tu es souverain dans le service que tu vas faire à tes enfants. Donne-nous d'avoir confiance et foi que tu diriges afin qu'on puisse vivre en paix. non pas toujours troublé et perturbé et culpabilisé parce qu'on ne sait pas si on en fait assez ou si on fait aux bonnes places. Continue, Seigneur, à nous utiliser, à nous émerveiller, et nous te glorifierons pour tout ce que tu fais dans l'Église et par l'Église. Amen.